à observer l'horizon. Besoin d'espace pour les rêves, pour les rêves. Assis à observer l'horizon. Besoin d'espace, les pieds sur terre. Assis à observer l'horizon. Besoin d'espace. Assis à observer l'horizon. Je dois rester hors de leur toile, loin de ces vérités sous voile, voire plus loin de la raison, comme le souvenir souvent triomphant de l'horizon. L'entrave n'est que physique en cette terre d'illusion. Ils sont légions, accusant d'hérésie ceux qui ont choisi une mentale évasion. Vois ces myriades de bombes souffler autant de sourires, sans excuse aucune. Une vie chien vaut rien, cette lingosse c'est pire. Nous dire c'est pour le bien, c'est n'ouvrir qu'une fenêtre sur un mur ou le billet fait papier peint. Quand la vue est restreinte, on pense bien loin. J'irai plus loin que ça, plus loin que ceux qui croient, plus loin que cette place de parquet où j'ai mon nom gravé sur une pancarte noire. Je veux pas de leurs horizons, abyssal prison, où le mensonge tombe comme autant de la mousson. Si je vois le bouillon, j'entraîne les moussaillons. Je veux pas de leur solution, elles ont le goût de poison. Je n'ai pas le bâton frappant les rejetons. Ils ne font pas croire qu'il y a plein qu'on est bon. Brandir le tison, la haine attisée, assis au coin attisé. On se fait facilement hypnotiser une fois alcoolisé. Tout ce qui est visible est visible, visible est mirage. Les temps avec ardeur, ce qui est visible est bizarre. Reçu les visages et massier, très lisible héritage. Ici les sillages, visible est bizarre, illisible est vital. Tout ce qui est visible est visible, visible est mirage. Les temps avec ardeur, ce qui est visible est bizarre. Reçu les visages et massier, très lisible héritage. Ici les sillages, visible est bizarre, illisible est vital. Baillonné à l'achetant, élevé pour usiner. À force de rien y voir, j'ai cru qu'à 16 ans ils allaient me fusiller. Qu'est-ce que ce plaid ne veut pas reconnaître. Par peur peut-être, le béton s'est écarté. Ma feuille est devenue cette formidable steppe. Aussi loin que je me rappelle, au crépuscule, je pensais que le globe solaire chutait dans la mer, se noyait des sans appel. Laissé sans affaire, intersection vitale où les grands s'affairent. Seul dans ces deux, par manque d'argent, ça ferme. Illuminé par l'unique faisceau naturel dans ce monde vénal. Survécu à de plongées en apnée dans l'Etna. Mirage matriciel où la réussite est cruciale, ils m'ont braqué. Pris ma part du ciel, celle qu'on voit des rues sales. Du poivre du sel dans un jour fat, je finis rondelle. Absent des marches et des murs, au seuil d'une journée froide. Aujourd'hui ils m'inondent de ciment. Si je mange ton pigment, ici pour du vent, tout stop si facilement. Ce qui est visible et visible, visible et mirage. Les temps avec ardeur, ce qui est visible et bizarre. Reçu les visages et massier, très lisible héritage. Ici les sillages, visible et bizarre, illisible et vital. Tout ce qui est visible est visible, visible et mirage. Les temps avec ardeur, ce qui est visible est bizarre. Reçu les visages et massier, très lisible héritage. Ici les sillages, visible et bizarre, illisible et vital. Quand j'étais petit, déjà seul, je rêvais de l'infini. Où la lumière finit, où tout s'unit, où personne n'y se conduit. Mais bon, ici on n'est pas parfait, donc j'ai avancé. Au milieu d'un pavé coincé dans leur culture arriérée. Moi, je voulais m'aérer, errer, opérer un changement qu'on verrait. Histoire de voir plus loin que les autres qui serraient autour de nous. C'était normal de voir un proche qui coulait. La foi permettait seulement d'être ailleurs quand on voulait méditer. Médicer, mon odyssée, dans le mal, je voulais pas glisser. Je voulais hisser le bien au-dessus de tout. Car l'espace, c'est le pouvoir qui contrôle et organise le sens du terrain, la liberté. Et le frise et la balise là-dedans, c'est quoi que je visais. Mon monde de vie, fallait le réviser. Quitter la Guinée, c'est pas pour aller visiter les étoiles. Elles sont liées à nous, comme on l'est avec nos gosses-mains. Le but final, c'est d'éviter le mauvais sort du condamne. Ce qui est visible et visible, visible et mirage. Les temps avec ardeur, ce qui est visible et bizarre. Reçu les visages et massier, très lisible héritage. Ici les sillages, visible et bizarre, illisible et vital. Tout ce qui est visible est visible, visible et mirage. Les temps avec ardeur, ce qui est visible et bizarre. Reçu les visages et massier, très lisible héritage. Ici les sillages, visible et bizarre, illisible et vital. Voyager vers l'horizon. Voici la vérité. Braver le temps pour l'éternité.